Isanganiro. Il est midi 55 minutes. Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'articulation. Le recensement du patrimoine de l'État dresse un bilan de plus de 17 000 immeubles dont la plupart sont des établissements scolaires et des bâtiments administratifs. Certains de ces immeubles sont à location, vous l'entendrez tout au début de ce journal. Et le parti Sahouani Afro-Débo trouve que le projet de réforme administrative qu'envisageait le gouvernement méritait plus de prudence. Ce parti trouve plutôt qu'il faut associer d'autres partenaires pour une bonne réussite de ce programme. Amaron nous parlera du manque d'eau potable qui se remarque au chef-lieu de cette province du centre du pays depuis une semaine. Voilà pour l'essentiel. Albert Ndoyo assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, plus de 17 000 immeubles de l'État, dont plus de 370 font objet de location, ont été déjà recensés. Cela ressort d'une note présentée au cours du Conseil des ministres retenu mercredi de cette semaine. Le Conseil constate que la liste des immeubles loués n'est pas exhaustive. Suivez à ce propos Prosper Nhagwamié, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres. Étant donné que le patrimoine de l'État couvre un champ très vaste, patrimoine immobilier, patrimoine financier, le patrimoine mobilier, dont le matériel est en jeu roulant, le gouvernement a jugé bon de commencer le patrimoine immobilier de l'État, propriété foncière et ou immobilière, qui occupe une part très prépondérante dans l'économie du pays. C'est dans ce cadre que le ministère en charge des Finances, en collaboration avec l'ISTEBOU, vient de réaliser cette action. Comme résultat, au total, 17 545 immeubles ont été recensés. La majorité des immeubles est constituée des établissements scolaires ainsi que les bâtiments administratifs. Les données issues du recensement font ressortir un nombre de 372 immeubles de l'État qui font l'objet de locations. Pour cette catégorie d'immeubles loués, le constat dégagé est que la liste des immeubles loués n'est pas exhaustive, car certains gestionnaires en charge du patrimoine de l'État n'ont pas voulu communiquer l'effectif de ces immeubles et le montant réel perçu. Les contrats des loyers établis ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Les recettes issues de la location ne sont pas directement versées sur le compte général du Trésor. Les immeubles de l'État en location sont mal entretenus et les équipements mal maintenus. Ce recensement constitue donc une base de données importante qui va permettre la mise en œuvre aisée des actions en rapport avec la bonne gestion de ce patrimoine de l'État, l'actualisation automatique des données sans faire recours à un autre recensement, la consultation en temps réel des données souhaitées des composants du patrimoine immobilier de l'État. Pour une bonne gouvernance financière, ce travail devrait être complété par le recensement d'autres catégories du patrimoine de l'État, notamment le patrimoine financier, pour avoir des outils complets de base en vue de contribuer au développement de l'économie nationale. D'autres actions sont également nécessaires, notamment la création des services de gestion du patrimoine de l'État dans tous les ministères, afin de garantir la pérennité de ce travail. Ce recensement constitue une base de données importante qui va permettre la prise en compte du patrimoine immobilier de l'État dans les comptes nationaux et qui changera d'une manière significative l'indice de développement humain de notre pays qui est souvent classé dans les pays les plus pauvres de la planète. C'était Prosper Nhagwamié, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La réforme administrative qu'envisage le gouvernement nécessitait plus de précautions, constat du président du parti Sahouani Afro-Débou ce jeudi lors d'une déclaration de la célébration de 30 ans d'existence de cette formation politique. Pilkaver Nahimana estime que l'État devrait associer d'autres partenaires, à savoir les partis politiques et les experts en matière de réforme administrative pour prévenir des conséquences qui peuvent surgir. Je propose de le suivre. Lorsqu'on parle de la réforme administrative qui est nécessaire dans le pays, ce n'est pas uniquement une simple répartition des provinces ou des communes. Ce n'est pas ça, non. Donc une réforme administrative demande beaucoup de choses. Ça veut dire que vous allez entrer même dans comment l'administration fonctionne, comment la fonction publique fonctionne, les ministères, le gouvernement. Tout cela, c'est une réforme qui est nécessaire. La réforme administrative est nécessaire pour le pays. Mais comme toute réforme est très difficile, une réforme administrative aussi a des exigences. Alors si le gouvernement y a pensé, mais alors qu'il se donne les moyens de le faire. Parce que ça demande des moyens. Le premier moyen, c'est prendre tous les partenaires et les consulter. Il faut consulter la population, il faut consulter les partis politiques, il faut consulter les associations de la société civile, il faut consulter des experts pour qu'ils donnent des avis avisés sur votre projet. Alors vous confectionnez un dossier que vous devez présenter, bien entendu, devant les instances habilitées, ça veut dire le Parlement, nécessairement, et le gouvernement, bien entendu, c'est clair, ça doit se passer comme ça. Autre chose, vous devez vous chercher les moyens nécessaires pour le faire, les moyens financiers, parce que ça va vous demander beaucoup d'argent. Mais est-ce que maintenant on a de l'argent pour faire la réforme administrative comme nécessaire? Je ne sais pas. Autre chose, c'est une action que vous ne pouvez pas faire en un laps de temps. Ça demande du temps. Donc, il faut prendre beaucoup de sagesse, beaucoup de précautions pour que vous fassiez une réforme applicable et qui ne heurte pas le mode de vie de la population. Si vous voulez faire une réforme pareille, il faut le faire bien avant les élections. Si vous cherchez à faire cette réforme alors que les élections approchent, je vous assure que vous allez avoir des problèmes. Comprenez donc que c'est un travail nécessaire que nous encourageons, mais il faut prendre toute la sagesse pour que vous ne créez pas d'autres difficultés dans lesquelles vous allez tomber sans le savoir. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h03, et poursuivons cette édition. Le manque du matériel moderne et l'insuffisance des moyens financiers entravent les activités d'extraction minière pour certains océans de la région du Nord. La plupart de ces océans ont déjà suspendu leurs activités en attendant le code minier sous analyse. Propos de Jean Bosco Nsengiyumva, chargé des activités au sein du comptoir minier des exploitations du Burundi, Komebu, en activité. Il demande au gouvernement de leur venir en aide. Je propose de l'écouter. Jusqu'à maintenant, on continue à observer les gens qui font l'exploitation artisanale des minerais. Cela entraîne une perte d'une certaine quantité de cette matière parce que avec l'exploitation artisanale, on ne peut pas récupérer le minerai à 100%. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que non seulement les investisseurs puissent rendre disponibles tous les moyens nécessaires pour que la production soit maximale, c'est-à-dire en essayant de mécaniser l'exploitation, mais aussi il faut que le gouvernement puisse venir en aide de ces exploitants pour les faciliter, surtout la mise en disposition des devises pour l'achat du matériel à l'extérieur, mais aussi si possible, il faut faire des exonérations pour ce matériel afin que le prix de revient diminue. Sinon, on risque de travailler en perdant. Lorsqu'on constate qu'il y a des magouilles, on procède au retrait du permis d'exploitation. Comme ça, la société va cesser ses activités d'exploitation. Du nord du pays, rendons-nous au centre où il y a manque d'eau potable depuis une semaine au chef-lieu de la province Mwaro. Les habitants de cette province et ceux qui possèdent des restaurants doivent se rabattre à l'eau puisée dans les vallées situées aux alentours. Au niveau de la régie des eaux Antenne Mwaro, l'on indique que cette coupure d'eau est due à une motopompe qui est tombée en panne et nécessite un remplacement, n'est-ce pas, Laurent Ndikouri? Au chef-lieu de la province Mwaro, aucune goutte d'eau ne tombe des robinets dans les ménages de la place depuis une semaine. Selon les habitants de ce chef-lieu de la province Mwaro, ce problème d'eau avait trouvé solution depuis environ 3 mois grâce à la mise en place d'une nouvelle motopompe dans la vallée d'Onjaga sur la colline Ebisha en commune de Lusaka où se trouve la source alimentant centre urbain. Mais depuis une semaine, la situation leur semble encore une fois inquiétante. Les habitants de ce chef-lieu, ceux qui possèdent des restaurants ou les maisons de passage, se rabattent à l'eau puisée dans les vallées proches. Ceux qui paient les conducteurs de taxi-vélo payent entre 250 francs et 300 francs par bidon, ce qui occasionne des coûts supplémentaires et une perte de temps car beaucoup se rencontrent à ces sources aménagées dans les vallées. Au niveau de la régie des eaux, l'on indique que cela a été causé par une panne de la motopompe qui permet de pousser l'eau vers le réservoir alimentant ce centre urbain à partir de la source se trouvant dans la vallée d'Onjaga au pied du massif de Guissassé. Pour le moment, les procédures de remplacement de ces motopompes sont en cours. L'on espère que d'ici la semaine prochaine, l'alimentation en eau potable redeviendra normale selon les autorités de la régie des eaux. De Mwaro, Laurent Dikurio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Ndikourie. Demain, rendons-nous à Rutana où des Dodane se trouvant sur la route nationale numéro 11 tronçon Kumoso au chef-lieu de la zone Moudié de la commune Giharo ont été reconstruits selon les normes des transporteurs utilisant cette route appréciée, indiquant que ce qui existait auparavant ne facilitait pas le transport pour les petites voitures et motos. Ces transporteurs demandent que le tronçon Moudié-Giharo qui est délabré soit aussi goudronné. Veniste Niramag. Ces Dodane se trouvent au chef-lieu de la zone Mouzié, commune Giharo en province de Rutana. C'est sur la route nationale numéro 11, tronçon Kimba Giharo. Dans l'objectif de diminuer les accidents de roulage, l'administration de la commune Giharo avait installé des Dodane à Mouzié. Les Dodane ainsi installés étaient hors normes, ce qui bloquait les voitures de petite taille, en l'occurrence celles de type Probox et les motos de passer dessus, ce qui soulevait des grognes au sein des transporteurs qui utilisent cette route. Mais à l'heure actuelle, c'est un ouf de soulagement à l'endroit de ces transporteurs car la commune de Giharo vient de passer à la reconstruction de ces Dodan et les Dodan ainsi installés respectent la norme et permettent à n'importe quel type de voiture ou moto de passer librement. Malgré les multiples initiatives figurant à l'actif de l'administration de la commune Giharo, cette route présente beaucoup de nids de poules, surtout dans sa partie non goudronnée allant de la zone Mouzié, passant par Lubaho pour arriver en province de Ruyigi. Ces transporteurs demandent à ce que cette partie soit aussi goudronnée. Il y a bientôt un mois, dans une séance de moralisation animée par son Excellence le Président de la République en commune Musongati de la province de Rutana, le numéro 1 burundais a promis que cette route figure sur la liste des routes qui doivent être bientôt réhabilitées. Depuis Kumoso, province de Rutana, Venise Niramaga pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Hors de nos frontières, un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé pour ce samedi 4 juin à Accra. Le Ghana exerçant en ce moment la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Il sera notamment consacré au Mali, mais aussi au Burkina et à la Guinée. Ces dernières semaines, les visites officielles, discrètes ou secrètes se sont multipliées à Bamako et dans les capitales de la sous-région. Le président togolais Faure Gnassingbé n'a pas ménagé ses efforts à la demande des autorités maliennes et de transition qui l'ont chargé de plaider leur cause auprès des chefs d'État voisins. L'Organisation de la coopération islamique a également dépêché un envoi spécial en tournée dans la sous-région depuis fin avril afin de soutenir les efforts du médiateur nigérien Goodluck Jonathan, écrit RFI. Et le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État sénégalais Macky Sall a déclaré vendredi être sorti rassuré de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué des craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Dans quelques instants, je cède le micro à Jean Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Les bureaux de change vont rouvrir si nécessaire, rapporte Burundi Echo. En effet, écrit ce journal, 2 ans après la fermeture des bureaux de change, la question sur les résultats affichés par cette mesure revient toujours. Cette inquiétude était parmi les questions posées lors de la présentation du rapport du 4e trimestre sur la politique monétaire. Et c'est l'ADG adjoint de la Banque au bout qui a demandé s'il y a eu évaluation de la mesure de fermeture des bureaux de change, étant donné que cette mesure avait été prise pour permettre à l'État de contrôler les devises étrangères en circulation, précise son confrère. La Banque de la République du Burundi, qui est l'organe régulateur, précise qu'un travail technique est en cours pour évaluer cette mesure et, si c'est nécessaire, la revoir. Venuste Ndikumwenayo, directeur des études économiques et de la statistique à la BRB, a déclaré que on ne va pas tarder à valider un document stratégique qui permettra d'arrêter une stratégie spécifique à la réforme du taux de change sous différentes composantes, y compris même les bureaux de change, s'il s'avère nécessaire de rouvrir tout en respectant la réglementation, note toujours Burundi Echo. Cet hebdomadaire socio-économique rappelle que la BRB a ordonné la fermeture définitive au 15 février 2020 pour permettre à l'État de faire face à la spéculation qui augmente en situation de crise au regard de la réglementation édictée par la Banque centrale et essayer de s'ajuster à la situation de crise par rapport à la gestion de la politique de change. Les textes du cours d'anglais sont des traductions aux fondamentales, constate la voix de l'enseignant, expliquant que pour l'enseignement de la langue anglaise, la matière proposée au cycle fondamental est du niveau supérieur. Les élèves ne parviennent pas à assimiler la matière, le parler est défavorisé par rapport à l'écrit. Un enseignant signale dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation qu'il y a des points de grammaire tirés du cycle post-fondamental. La traduction des textes à étudier en 7e année en 3 langues ne les aide en rien. Et au poste fondamental, à part la section des langues, le volume horaire est d'1 heure par semaine, ce qui est insignifiant. Les supports pédagogiques manquent, pas de cassettes pour la compréhension à l'audition, pas de livres de lecture. Et avec les effectifs élevés, le programme ne prévoit plus de dictées pour l'apprentissage de l'orthographe. Pour son confrère, des enseignants debout devraient être associés dans la confection des programmes car ils voient les premiers ce dont les apprenants ont besoin. Il y a une confusion entre la politique et la justice chez certains responsables, rapporte Net Press, comme la conclusion d'un homme de droit qui a requis l'anonymat après avoir entendu qu'il y a un membre du CNL de la province de Kirundo au nord du pays qui a été emprisonné depuis le dimanche 29 mars dernier pour avoir porté une chemise de sa formation politique. Pour l'interlocuteur de Net Press, cela est une confusion de l'administrateur Dobgan Barangwe qui ne sait pas distinguer justice et politique. Pour lui, souligne son confrère, aucune disposition n'est prévue pour le port d'une chemise de son parti politique. Seulement, nuance cet interlocuteur, toujours dans les colonnes de son quotidien en ligne, il y a des circonstances, notamment lors des élections ou des travaux communautaires, où les gens se conviennent de ne pas porter des uniformes des partis. Or, lit-on toujours dans Net Press, l'administrateur de cette entité communale a empêché le port des uniformes des partis politiques, à l'exception des membres du parti au pouvoir. Une politique de 2 poids, 2 mesures qui risque d'être à l'origine d'éventuelles échauffourées qui pourraient surgir entre les militants du CNDD-FDD et ceux du CNL si jamais le détenu n'est pas relâché, estime-t-il, toujours dans Net Press. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.